Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité de la recherche en histoire, actualité du regard de l'histoire sur elle-même. Pour commencer, nous aurons le grand plaisir de recevoir l'historien Levan Yılmaz, auteur du Temps moderne chez Gallimard, qui vient de publier une série de quatre leçons au Collège de France, titrée « Est-ce ironique ?» On lui demandera « Pourquoi écrit-on encore l'histoire ?» Il y raconte entre autres comment l'Europe a rompu avec la façon dont l'Antiquité pensait le passé en histoire. Et avec lui, nous évoquerons également la disparition de l'historien Hayden White, dont les travaux avaient fait grand bruit en France. Et puis ensuite, Arnaud Beaufort nous rejoindra. Il nous expliquera pourquoi la BNF est heureuse de fêter les 20 ans cette année du site Gallica, qui nous aide tous et toutes à travailler en numérisant des textes et des images du passé. Enfin, nous terminerons cette émission du vendredi, comme chaque semaine, par notre rubrique « C'était à la une », un grand texte de presse des deux derniers siècles, lu par un comédien ou par une comédienne. Aujourd'hui, l'exécution publique de Eugène Weidmann, la dernière à avoir eu lieu en France. C'était en 1939. Bonjour Levan Yılmaz. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints à l'occasion de ces quatre leçons que vous donnez au Collège de France à l'invitation de Patrick Boucheron, des leçons qui s'intitulent, et j'ai tout de suite dit, est-ce ironique, pourquoi écrit-on encore l'histoire? Pourquoi ce titre? C'est pas autant ironique, c'est plutôt une référence au grand livre de Paul Venn, Comment on écrit l'histoire, qui a été publié en 71 et qui était sous-titré Essai d'épistémologie. Oui, mais comment on écrit l'histoire, ça n'est pas la même chose que pourquoi on écrit l'histoire. Alors mon problème, dès le début, c'était plutôt, non pas l'épistémologie, mais l'ontologie, le statut de l'histoire, de l'écriture de l'histoire, dans nos sociétés modernes. Donc, c'est ce que vous veut dire que le passé n'a plus le même sens, une fonction de modelage, je dirais, du présent. Voilà, alors c'est ce que vous expliquiez dans votre livre de 2004, qui s'appelait Le Temps moderne, qui revenait en particulier sur la querelle dite des anciens et des modernes au XVIIe siècle, et c'était un livre très important, et vous continuez à réfléchir depuis cette date, depuis 2004, à ces questions, et en particulier à ces tournants. Vous parlez tout le temps des tournants. On aime bien les tournants, dites-vous, en histoire. On évoquera tout à l'heure la mémoire d'Hayden White avec vous, le tournant linguistique, turn, ou alors le tournant culturel, ou alors critique, le tournant global, ou le tournant critique, etc. Alors ces tournants, effectivement, montrent que l'histoire, peut-être à force de tourner, tourne sur elle-même, alors qu'elle avait un autre propos auparavant, Levan Yılmaz. Ben non, ces tournants sont très bien. Parce qu'à force de tourner, on s'arrête à un moment, et puis on réfléchit. On réfléchit, on se dit, mais voilà, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on a envie de faire qu'est-ce qu'on fait finalement en faisant de l'histoire? Donc ces tournants ont vraiment contribué, à mon avis, à la libération de l'écriture de l'histoire depuis 1950-60, donc qui était vraiment dominé par une sorte de nationalisme apologétique, ce que vous voulez. Alors on peut aujourd'hui regarder vos deux premières leçons sur le site du Collège de France, et en vous présentant, Patrick Boucheron, qui vous y a invité, dit que vous troublez la fausse évidence de notre besoin d'histoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Le trouble d'abord, et le besoin d'histoire de l'autre côté. Alors, quand on ouvre les encyclopédies, on tombe sur des définitions assez bizarres. Donc, l'histoire, l'article de l'histoire, à côté, on a une définition simpliste. L'humanité a un besoin vital de l'histoire, du passé, de la connaissance. Bon, peut-être. Mais quand on regarde vraiment le passé de l'humanité, c'est que dans le passé de l'humanité, le passé a été conçu pour construire le présent. Donc pour donner un sens au présent et de pouvoir continuer dans le futur, dans les méandres, incertitudes de ce futur qui était dangereux finalement. Et à partir d'un moment donné, ce futur cesse d'être dangereux. On connaît plus ou moins ce qui va arriver. On prend des risques On assure les risques, donc c'est des assurances qui arrivent. Donc l'humanité entre dans une phase de relation avec au temps qui n'avait pas eu lieu avant. Vous voulez dire que quand au XVIIe siècle on invente la Lloyd's par exemple, la compagnie de réassurance maritime, bien certaine façon, on a une autre vision du temps qui commence à émerger, les Van Kilmer. Bien entendu. Ou bien l'inverse, je veux dire, cette vision du temps donne naissance à un besoin de prendre de risques et de le reconforter, ce risque. Alors, vous travaillez en particulier sur la façon, c'est d'ailleurs la deuxième leçon que vous avez donnée au Collège de France il y a 3 jours de cela, c'était le 14, vous travaillez sur la vision antique de cette histoire, c'est-à-dire vous travaillez autour de Cicéron, de Plutarque, de Salluste, de tous ceux qui ont pensé et écrit l'histoire, évidemment Thucydide, mais plutôt Cicéron, qui est l'inventeur d'une formule, selon vous, les Van Kilmer, qui est extrêmement importante, enfin qui a synthétisé une formule qui est extrêmement importante, qui est Historia Magistra Vitae, donc l'histoire maîtresse de vie. Et cette histoire maîtresse de vie, vous dites que c'est une vision de l'histoire qui a perduré très tard, dans notre époque dite moderne, et qui d'ailleurs, peut-être encore, est à l'œuvre en même temps qu'une autre vision de l'histoire que vous décrirez dans les prochaines leçons, les Van Kilmer. Voilà, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs. Enfin, c'est plutôt, je reprends les thèses de Reinhard Koselleck, qui dit que ce dictum qui a été inventé par Cicéron dans son De l'orateur de 36, qui dit que voilà, l'histoire est maîtresse de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on utilise, on s'intéresse à l'histoire, au passé, pour gouverner sa vie. Voilà, gouverner sa vie pour pouvoir construire une identité. Mmh. Alors, le problème, c'est que dans cette conception, il faut que la vie soit identique avant et après. Mmh. Or, le grand problème de la modernité, c'est que la vie, le temps, n'est plus, ne produit plus de l'identique, produit du différent. Donc, dans ce temps-là, qui produit de la différence, et non pas de l'identique, comment cette formule est toujours valable? Alors, ma réponse, c'est que ce qu'on avait comme faction, les anciens, dans la querelle des anciens et des modernes, c'était pas des anciens, bien entendu. C'était des modernes aussi. Mais c'était une faction qui allait prendre après le nom du conservateur. Qu'est-ce qu'on conserve? Alors, du coup, l'historien Magistra Vitae eut cette formule qui se dissout selon Koselleck. Oui, ça se dissout. Mais il y a aussi des gens, dans des modernes, qui souhaitent conserver ce passé et organiser leur vie selon les préceptes du passé. Oui, alors vous êtes ces temps-ci invité à l'IMERA à Aix-en-Provence, et donc pour ces 4 leçons au Collège de France. Vous enseignez longtemps, donc vous avez longtemps enseigné dans une université d'Istanbul, que vous avez dû quitter depuis maintenant 1 an en raison des questions politiques très aiguës qui se déroulent dans votre propre pays. Et vous connaissez parfaitement bien la France pour y avoir travaillé pendant longtemps. Vous voyez bien que ce que vous dites sur Historia Magistra Vitae d'un côté, histoire dite conservatrice après le tournant moderne, dites-vous, et l'histoire moderne est encore à l'œuvre aujourd'hui dans nos sociétés. Bien entendu. En Turquie, chez vous. Sûrement. Et chez nous, en France aussi, non? Bien sûr. Et comment ça s'explique qu'on fait la permanence des deux alors qu'au bout du compte, l'une avait volonté ou prétention à remplacer l'autre, et que cette question de cette histoire qui gouverne nos vies devrait être derrière nous et est encore avec nous d'une certaine façon, et qu'on cherche encore les leçons de l'histoire dans ce passé qui théoriquement ne devrait plus servir à cela, les Van Kilmer. Bien sûr, parce que nous vivons, je pense, avec la modernité, nous sommes entrés dans une phase extrême de la liberté et de la liberté de décision. Donc, pour vous expliquer très vite, la liberté d'avant, c'était la liberté d'une graine à s'exceller, à devenir ce que la graine était destinée à l'être. Je veux dire, une graine d'un olivier, d'un olive, allait devenir un arbre, un olivier, si les conditions étaient là, présents, un olivier formidable. Sinon, bon, s'il n'y avait pas assez d'eau, assez de soleil, bon, ou bien la graine était malade. Mais dans la conception moderne de la liberté, c'est que cette graine d'olive arrive à devenir un oranger. Vous voyez, par décision et par intention. Donc dans cette affaire-là, si on devient un oranger et qu'on a un passé d'olivier, on s'en fout de ce passé d'olivier. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais tout le monde ne souhaite pas devenir oranger. Donc il y a des gens qui souhaitent vraiment devenir des oliviers. Et c'est ce qu'ils veulent. Donc on a deux conceptions de liberté qui... sont opposés. Qui sont opposés aujourd'hui même, et qu'on n'a pas vraiment résolu ce problème. Ouais, vous avez dit dans la conclusion de votre deuxième leçon, donc il y en aura quatre au Collège de France, on peut d'ores et déjà l'écouter sur le site du Collège de France, cette deuxième leçon. Vous avez dit, en fait, dans un univers où le dictum historia magistra vitae n'est plus possible, les hommes politiques et les historiens font le maximum pour le conserver. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement un constat que vous faites, mais c'est presque une accusation en disant la politique d'un côté, mais aussi les historiens, continuent à vouloir maintenir cette idée de l'historia magistra vitae, alors que les conditions d'exercice de cette leçon de l'histoire ne sont plus présentes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Levent Yılmaz ? Bah, tout simplement, par exemple, disons que vous avez une politique progressiste. En Turquie, qui s'oppose au conservatisme qui règne aujourd'hui dans le pays. Mmh. Alors ce camp progressiste, pour combattre les conservateurs, reprend les thèmes du début du 19e siècle de la révolution kémaliste. Mmh. Donc, début 20e. Début 20e. Ouais. Donc comment combattre une faction conservatrice avec des thèses que vous les retrouvez dans le passé. Mais c'est leur situation à eux. Donc on peut pas le faire. Il faut inventer autre chose. Donc oui, on sait bien par exemple que la Révolution française n'était pas possible sans l'imaginaire romain et peut-être grec d'ailleurs des révolutionnaires eux-mêmes. Ils ont voulu se mesurer en tant que géants transformant le monde, d'une certaine façon, à d'autres géants. C'est caricatural, quand même. Non, mais ils avaient quand même en tête la Virtus romaine, par exemple. Et d'une certaine façon, ils transformaient le monde tout en allant chercher, dans ce passé lointain, les vertus qui seraient nécessaires à transformer ce monde, en l'occurrence. Donc, cette contradiction, elle est présente dans toutes les révolutions. Bien sûr, mais c'est pour ça que ça nous explique l'échec des révolutions. C'est-à-dire, après la Révolution française, on est tombé sur l'Empire, voilà. Oui. Et après 1917, voilà. Qui avait la Révolution française en partie comme horizon ou comme passé, on est tombé sur autre chose effectivement, ouais. qui était la question du stalinisme en particulier. Et du goulag. Oui, et du goulag en particulier. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que... Mais comment se détacher, justement, de ce passé? Et comment les historiens eux-mêmes peuvent-ils se détacher de ce passé qui, d'une certaine façon... Et leur propre vie. Quand vous dites que les historiens veulent continuer à conserver cette leçon du historia magistra vitae. Mais on peut pas éviter. Enfin, peut-être dans des pays vraiment où on exerce vraiment une indépendance vis-à-vis des institutions, peut-être qu'on arriverait. Mais dans des pays comme la Turquie, où vous êtes un prof d'histoire payé par l'État, et quand l'État vous envoie un fax en disant que dans votre cours, il faut enseigner telle matière, comment vous voulez? À mon avis, il faut revoir la discipline en tant que profession, je pense. C'est-à-dire? C'est-à-dire que peut-être trouver des moyens à se différencier des institutions de l'État, par exemple. Oui, c'est-à-dire que bien qu'employé par l'État, on puisse garder son sens critique, sa liberté critique. Bien sûr, ça, on peut le faire, mais quand on est vraiment dans un système, par exemple, voilà, Vous êtes historien en France, donc 90% des historiens qui travaillent en France travaillent sur l'histoire de la France. Donc du coup, ça, si ça ne change pas cette situation, si 90% des historiens ne travaillent pas sur d'autres choses, donc on sera, à mon avis, dans une impasse. Et dans une répétition, c'est voilà, ce que vous semblez sûr, dire. Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que vos travaux actuels se veulent transnationaux d'une certaine façon, c'est-à-dire comparatistes, Levent Yılmaz, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, d'une certaine façon, tenir ce discours que vous tenez, en tant qu'historien des idées, en tant que regard sur la profession historienne et l'historiographie, sans déplacer ailleurs la question du terrain sur lequel vous travaillez, Levent Yılmaz. Voilà. Mon problème, c'est pas les événements, c'est ce que je voulais... construire, je sais pas, c'est pas trop clair peut-être, mais ce n'est pas les événements, ce sont les représentations culturelles qui ont donné naissance aux événements, donc les contingences. Et les contingences, on peut les comparer. Par exemple ? La guerre, tout simplement. La guerre de 14-18 est un événement. Mais la guerre en soi est un concept qui a eu lieu dans plusieurs périodes de temps, et on peut voir quelles sont les causes des confrontations, des violences des hommes. Donc là, à partir de là, on peut faire une histoire qui, mais c'est un travail de géant, non pas qui revient à plusieurs équipes d'historiens, non pas un seul, à mon avis. Et c'est peut-être le point d'échappement de notre métier, de travailler ensemble pour construire autres objets, non, peut-être, ouais, enfin, d'autres visions en l'occurrence, et en mélangeant l'anthropologie, l'histoire et d'autres disciplines des sciences humaines en particulier. Par exemple, Marcel Mauss, quand il travaille sur le Le don et le contre-don. Le don. Eh ben, il fait presque un travail d'historien. Donc. Mais d'ailleurs, les historiens ont utilisé les travaux de Marcel Mauss dans leurs propres travaux. Est-ce qu'on a aujourd'hui une entreprise à cette échelle? Non. Vous trouvez donc, parce que c'est très intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, Levent Yılmaz, que il faudrait gagner de l'ambition d'une certaine façon, avoir une ambition plus large. Moins spécialisé, c'est aussi la spécialisation que vous critiquez, parce que par ailleurs la spécialisation a une grande vertu, la connaissance des textes, la connaissance... Ça je suis bien d'accord, on peut l'être, mais si on travaille ensemble, par exemple, Rainer Koselleck et ses amis, ils ont lancé le dictionnaire des concepts fondamentaux. Absolument. C'était une entreprise formidable, mais c'était limité à la langue allemande. Donc, comment sortir de cette limitation langagière. Donc, est-ce qu'on peut, par exemple, faire une histoire comparée des concepts communs aux cultures, voilà. Et ça nécessite effectivement une énorme beaucoup de spécialités, etc. Qui travaillent ensemble, oui. Et ça, vous le pensez depuis longtemps, cette nécessité de faire sauter les barrières entre les disciplines, faire sauter les barrières entre les temporalités, parce que vous savez très bien que quand on est historien de l'Antiquité, on n'est pas un historien du moderne, quand on est historien du moderne, on n'est pas forcément un historien du contemporain. Ce sont des clivages internes à notre discipline et qui tuent, à mon avis, notre métier. Voilà. Tuer carrément. Oui, bien sûr. Parce que, qu'est-ce que vous voulez ? Une 120e histoire de la Révolution française, est-ce qu'on a besoin de ça ? Dites donc, vous y allez 120e, vous y allez fort. Parce que nous, vous voyez, nous, en tant que médiateurs d'histoire, on a besoin de nouveautés. Bien sûr, vous en avez besoin. 120e. Donc, d'une certaine façon, vous voulez dire qu'on est conservateur en voulant à chaque fois récupérer une nouvelle histoire de la Révolution française. C'est ce que vous semblez dire. Et donc, il faudrait privilégier, travailler par exemple sur l'invention de la guerre. Il va y avoir une grande série de livres qui vont sortir à l'occasion de 1918 et de la commémoration du 100e anniversaire de la fin de la guerre. Une grande série, je crois qu'il y en a au moins deux séries. Tout simplement, transnationales l'histoire de l'assurance, par exemple. Oui. Dans des cultures en Chine, en Mésopotamie, en Europe, vous avez dit Lloyd. Bah, et après, histoire de réassurance, par exemple, qui arrive, qui s'enchaînera. Et pourquoi pas ne pas le faire? En équipe, en plusieurs. Et donc travailler dans l'université du monde entier, voilà, d'une certaine façon. Bien sûr. Là, maintenant, l'Union européenne a des fonds de recherche. Le European Research Council, il vous file 3-4 millions d'euros pour des travaux, des recherches de 4-5 ans. Et pourquoi se limiter vraiment à des choses qu'on a déjà fait, enfin, plus bien, moins bien, mais bon, et ne pas essayer de faire autre chose, voilà. Alors, il y a par exemple, on a reçu un des responsables de cette tentative de recherche commune justement sur les archives de Jérusalem. Voilà, donc on va aller un peu partout dans le monde pour retrouver toutes les archives de Jérusalem et pour pouvoir peut-être bâtir sur la découverte de ces archives qui sont très variées en Russie, en Bulgarie, à Athènes, à New York et partout ailleurs, parce que les archives de Jérusalem ne sont pas forcément à Jérusalem et à Istanbul, bien évidemment. Donc, retrouver toutes ces archives pour peut-être construire une histoire commune d'une ville aussi importante pour l'histoire de l'humanité, par exemple. Voilà. Ça fait partie de ce que vous espéreriez. Voilà, oui. Je souhaite qu'on fasse des choses de ce genre. Modestement, on avait fait à l'université d'Istanbul à l'époque, il y a 10 ans, un travail d'archives sur le peuple yézidi, par exemple, avant le génocide, bien entendu. Là, maintenant, on n'en a plus rien. Et c'était le dernier travail sur le peuple yézidi. On est allé en Arménie, parce que là, ils sont majoritairement en Arménie, en Allemagne, en Turquie. Donc, on a récupéré toutes les l'ensemble des documents qui existaient sur ce peuple. Mais cette ambition que vous avez, qui est une ambition tout à fait louable, en l'occurrence Levan Yılmaz, de faire sauter les barrières, en particulier les frontières, on parlera la semaine prochaine des frontières dans la fabrique de l'histoire, faire sauter les frontières, vous voyez bien qu'elle se heurte aujourd'hui à énormément de conservatisme et peut-être de l'ancien. C'est ce que vous nous dites à propos de la Turquie, avec effectivement le président Erdogan qui se met en scène avec toutes les, pourrait-on dire, toute la gloire du passé de l'Empire ottoman. Mais on peut le voir aussi en France quand on veut voir revenir les anneaux de Jeanne d'Arc ou d'autres choses de ce type-là. Donc on est dans une période qui n'est peut-être pas hyper favorable, très favorable à ce que vous préconisez. Sûrement pas favorable du tout, à mon avis. Si vous vous lancez un projet de ce genre, aucune université, ni en France, ni en Turquie, vous embauchera. Enfin, en tant que jeune chercheur, si vous arrivez à dire, voilà, j'ai un projet de ce genre, bah, ils vont vous dire, bah, soit d'abord historien du 14e siècle, de l'urbanisme, par exemple, et puis après, on verra. Ouais. Alors que c'est dans un premier temps, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire ouvrir les... Pourquoi pas? On n'a jamais fait. On a appris la semaine dernière la mort d'Aidan White. Alors Aidan White, curieusement, quand on dit ce nom dans le monde entier, et vous fréquentez les universités du monde entier, il est extrêmement célèbre. Il est, dit-on, le transmetteur de ce qu'on appelle le linguistic turn en histoire. Il est l'auteur de Meta-History, qui est un livre important paru en 1973, jamais traduit en France. Et on vient juste, il y a 2 mois, de publier aux éditions de la Sorbonne des textes d'Aidan White sous le titre « L'histoire s'écrit », traduit et présenté par Philippe Carrard. Qui est Aidan White et pourquoi il est important de dire quelque chose d'Aidan White le jour ou la semaine de sa disparition, en l'occurrence parce qu'il a joué un rôle dans l'historiographie que vous développez dans vos 4 cours au Collège de France, Levan Yılmaz? Oui, il a joué un rôle très important dès 1966 avec son article Le fardeau de l'histoire. Qui est traduit dans ce livre, aux éditions Mais de le la livre est paru, nous sommes en 2018. Ouais. Avant ce livre, il y avait l'introduction de Meta History qui a été traduite par mon ami David Schreiber. Ouais. Mais il n'y avait que ça. Ouais, et c'était dans une revue. C'était plus. Dans une revue, ouais. Multiple, je crois. Ouais, Labyrinthe, je crois. Labyrinthe, voilà. Voilà. Donc, il y avait juste un petit article traduit de Haydn White, alors que dans le monde entier, il est traduit partout. Mais alors que, en plus, en France, on commentait, on était contre lui, on écrivait des articles qu'on condamnait ses opinions, ses vues sur l'histoire. Bon. Qu'est-ce qu'on condamnait chez Haydn White et pourquoi c'était un malentendu à mon avis. C'était un malentendu, tout simplement. Qu'est-ce qu'il défendait comme idée? Alors, lui, il disait que l'histoire, au fond, c'est un genre littéraire, c'est un récit, et donc ça s'écrit avec des tropes, ouais. Métaphores, métonymies, ce que vous voulez, et a une logique interne que récit. Une combinaison de sciences sociales de la fin du 19e et d'art du milieu du même siècle, disait-il à propos justement dans cet article du Fardeau de l'Histoire de 1966, mais à propos de l'écriture contre, de l'histoire. Mais il n'était pas contre que ce récit soit un récit véridique. Bien sûr, bon. Parce que certains ont même, ont soutenu que ces thèses donnaient de défendre accès, l'idée, voilà, ouais. Que ce récit de l'histoire pouvait être compris en tant que fiction, voilà. Oui, et donc pouvait donner accès à des négationnismes pas possibles. Alors ce qui n'était pas le cas visiblement, mais néanmoins ce qui a nourri des querelles insensé, très longue, qui explique peut-être d'ailleurs qu'il n'est pas traduit en français à part ce livre L'histoire s'écrit qui vient tout juste d'être traduit, L'Event Yılmaz, avec Carlo Ginzburg, mais aussi avant avec Carlo Ginzburg, c'est Arnaldo Momigliano qui a attaqué. Arnaldo Momigliano, puis ensuite, pourtant des gens qui l'ont accueilli à l'école des hautes études en sciences sociales, comme Roger Chartier, qui avait des positions différentes d'Haydn White tout en discutant et continuant à discuter avec lui. C'est quand même étrange qu'un ouvrage comme celui-ci ou une œuvre comme celle-ci soit restée à la porte d'un pays qui se veut, comme la France, un des grands pays de l'historiographie mondiale et qui vénère et Michelet d'un côté et Lavis de l'autre et l'école des annales de Marc Bloch et de Lucien Febvre. Qu'est-ce que vous interprétez de cela? C'est bizarre. Enfin, je ne vois pas les vraies raisons. Je n'ai jamais su. Ce livre, normalement, ça aurait dû être publié il y a 20 ans chez les éditions de l'École des hautes études ou chez Gallimard, tout simplement. Pourquoi ça ne s'est pas fait, je ne sais pas. Et vous-même, vous nous préparez quoi? Parce que depuis 2004 et le temps moderne, vous êtes en préparation d'un nouvel ouvrage, L'Event Yılmaz? Oui, là, je suis en train d'écrire un livre pour Le Seuil et pour Columbia University Press, qui est sur les imaginaires à propos du passé des sociétés chez les philosophes, historiens de Machiavel à Vico. Mm-hmm. Donc comment ils ont conçu ce point initial des sociétés. Vous connaissez très bien la vue de Hobbes, c'était des bêtes qui s'entre-dévoraient, et à un moment donné, ils se sont dit, ben voilà, on fait un contrat, on devient société. Mmh. Voilà. D'où s'est sortie cette idée. Et donc, c'est un travail là aussi comparatiste que vous allez mener? Non, ça, l'histoire des idées bêtement traditionnelles. Et on a évoqué les deux premières leçons au Collège de France que vous avez données, donc, cette semaine et la semaine précédente. Mmh. Les deux prochaines, après nous avoir raconté comment on concevait l'histoire dans l'Antiquité, pour la deuxième en l'occurrence, vous allez nous conduire vers où, justement? Ben là, la prochaine séance, la semaine prochaine, ça sera plutôt 19e siècle. Bien sûr. Et on arrive après, bien, au 20e, sur le paradigme de l'identité. Est-ce que l'identité veut dire la continuité de la même-té ou de l'ipséité? Enfin, en reprenant les termes de Ricoeur, mais aussi en regardant un petit peu du côté de Marcel d'Étienne. Eh bien, on va vous écouter avec beaucoup de plaisir, puisque c'est déjà le cas pour les deux premières leçons donc que vous avez données, qu'on peut trouver sur le site du Collège de France et qui seront d'ailleurs ensuite, j'imagine, comme toutes les leçons du Collège de France, rediffusées sur France Culture la nuit, puisque nous les diffusons. Et puis, puisque c'est Patrick Boucheron qui vous a invité au Collège de France, notons qu'il commence dès demain, samedi 17 mars, donc à 16h25 sur Arte, la série qu'il donne justement, qui s'intitule « Quand ans, l'histoire fait date. C'est une série de 10 émissions de 26 minutes et il commencera par, tiens, la crucifixion du Christ en 33. Et en évoquant la colonisation du temps par le christianisme imperceptible et douce, dit-il, en l'occurrence dans cette première émission de demain à 16h25 sur Arte, et puis il continuera tout de suite après par l'an 1 de l'islam en 622, et la semaine prochaine il traitera de la mort d'Alexandre de Grand et de 1492 comme date phare d'un tournant, dit-il, justement, dans l'histoire de l'humanité. Ça s'appelle « Quand l'histoire fait date », et c'est donc sur Arte à partir de demain. Merci beaucoup Lévent Yilmaz et bonne continuation de votre travail en général, que ça soit à Aix-en-Provence, on l'espère aussi à Istanbul où vous pourrez peut-être Marseille aussi où vous pouvez repartir, on l'espère pour vous, et puis également au Collège de France pour les deux dernières leçons de votre série. France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Et pour faire de l'histoire, il faut des textes, il faut des images, il faut des archives. Et ces archives, on peut les trouver, bien entendu, aux archives un peu partout dans le monde. On évoquait celles de Jérusalem toutes dispersées, mais elles sont aussi, dans un pays comme le nôtre, centralisées aux archives nationales. Mais également, ces archives, ce sont aussi des textes qu'on peut trouver à la Bibliothèque nationale de France. Bonjour Arnaud Beaufort. Bonjour. Et qu'on retrouve aussi sur le site Gallica. Nous utilisons tellement Gallica pour notre propre travail que nous voulions vous rendre hommage pour les 20 ans de ce site, donc inventé il y a 20 ans. Est-ce qu'il y a une différence, Arnaud Beaufort, entre la façon dont on a conçu ce site il y a 20 ans et la façon dont on le conçoit aujourd'hui ? C'est un site, rappelons-le, sur lequel vous avez numérisé beaucoup d'ouvrages, de journaux, d'images et maintenant de films. On en parlera avec vous dans un instant. Il y a 20 ans... Nous avons assisté à la construction d'une grande bibliothèque d'envergure qui était la Bibliothèque nationale de France. Oui, le site Tolbiac. Mmh. Et donc le pendant numérique qui était un petit peu sous-jacent dans ce à quoi réfléchissait Jacques Attali auprès de François Mitterrand. Ce pendant numérique a pris toute son ampleur avec justement Internet. À l'époque, au moment de la construction, nous étions plus sur une idée de vidéodisque avec des documents qui auraient été dupliqués et qui auraient permis comme ça aux universités de disposer de corpus directement sous la main. On voyait déjà poindre la disponibilité, la numérisation des textes, et donc dès que les technologies l'ont permis, eh bien la BNF a utilisé le fait qu'elle disposait des collections pour justement en profiter, les numériser, les mettre en ligne. Oui, il faut rappeler qu'effectivement, le web naît en 1994 et que donc Gallica naît en 1997. Donc effectivement, en 20 ans, c'est très rapide après l'invention du web, mais en 20 ans, il a fallu donc numériser, renumériser, développer, indexer, parce qu'il y a aussi un fort travail d'indexation qui permet justement à tout à chacun, depuis chez lui, de consulter une documentation extrêmement large, Arnaud Beaufort. C'est là où, en effet, immodestement, je pense qu'en effet, Gallica apporte un outil merveilleux pour les historiens, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amateurs, généalogistes. En effet, depuis chez soi, vous avez... tout le monde a accès maintenant à plus de 4 millions de documents et le travail de numérisation n'est pas que celui de la Bibliothèque nationale de France. Nous fédérons autour de Gallica plus de 360 partenaires qui sont d'autres bibliothèques, des fonds documentaires, qui ont soit nous apportent leurs documents physiquement pour que nous les numérisions pour eux, soit on fait le travail de numérisation et donc ils nous confient la copie numérique. Et cette fédération permet en effet de rassembler aussi pour que le moteur de recherche et l'interrogation lancée par les historiens permettent bien de remonter à la source, parce que justement fédérant comme ça, et c'est pour ça que nous avons adopté pour Gallica un slogan, une baseline comme on dit aujourd'hui, de source de culture, parce que on assiste finalement à ce double mouvement où on invite les gens en effet à toujours se poser la question de remonter à la source, hein, dans le débat des fake news d'aujourd'hui, vous voyez tout l'intérêt qu'il y a à pouvoir aller creuser et remonter comme ça dans les dates d'édition, et nous assistons au fait que ce matériau donne naissance à beaucoup d'ouvrages. Encore récemment, Pierre Lemaître nous citait abondamment dans son dernier livre, Couleur de l'incendie. Exactement. On avait déjà apprécié lorsque, dans Au revoir là-haut, son prix Goncourt en 2013, il avait dit combien justement le fait de pouvoir accéder en temps réel à toute la presse, à tous les ouvrages qui permettent de comprendre, d'interpréter, de retrouver l'environnement du front, mais comme de l'arrière, de pouvoir être plongé au quotidien. Et alors, j'aimerais vous citer justement Pierre Lemaître, puisqu'il écrit dans Les couleurs de l'incendie, il écrit « Pour tout cela et pour tout dans tant d'autres choses, merci aux professionnels qui entretiennent l'extraordinaire base de données Gallica. » Alors, merci à lui, puis merci à vous aussi, parce que quand nous avons su que je venais, mes collaborateurs, et d'ailleurs beaucoup sont historiens, vous savez que nous avons beaucoup de chartistes, beaucoup de chartistes à la BNF, m'ont dit à remerciez-le aussi parce qu'il tweet, il retweet ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je veux vous dire, Gallica, c'est la bibliothèque vraiment de tous les Français. Bon, alors on va arrêter le passe-moi la rhubarbe, je te passe le séné, en l'occurrence avec vous, Arnaud Beaufort, et on va peut-être se dire que pendant 20 ans d'histoire, il y a eu des débats, des discussions. D'abord une discussion au départ sur la façon dont ça marchait. On a beaucoup critiqué la Gallica pour des bugs informatiques en particulier. Et puis ensuite, il y a eu une grande discussion qui est venue sur la naissance d'une la possibilité par ce qu'on appelle les GAFA et par d'autres instances que les instances étatiques, de numériser, d'aller dans les bibliothèques, de reprendre ces documents et de faire des sites internet qui seraient concurrents de ces sites créés par des institutions publiques. Ça a été un grand débat, cela aussi, Arnaud Beaufort, qui n'est pas d'ailleurs totalement réglé, parce que d'un côté, il y a la volonté de savoir et de connaissance, et de l'autre côté, il y a la possibilité d'exploiter des données, d'exploiter des documents et de les commercialiser pour certains ou certaines qui voudraient le faire par l'intermédiaire de ces grands sites privés de numérisation, Arnaud Beaufort. Alors, Gallica a toujours revendiqué d'être vraiment une bibliothèque et non un algorithme assis sur un ensemble documentaire comme on peut le voir avec Google Books. Donc, c'est propre... vous qui avez cité, c'est pas moi. Non, oui, c'est pas, je le cite parce que c'est pas tout le monde connaît la puissance de Google et notamment son programme de numérisation d'ouvrages, notamment de grandes universités américaines, qui a conduit justement à ce que des fonds documentaires, y compris en langue française, puissent être accessibles sur la plateforme du moteur de recherche. Non, le propre, y compris pour aider le travail de l'historien, c'est bien la fiabilité des sources. Donc, le travail de la BNF est un travail notamment documentaire, est un travail sur les métadonnées, sur la fiabilité de l'information que nous donnons sur l'environnement du document, sur l'environnement de sa création. Ce qui permet effectivement d'aller voir au document et de savoir d'où il est sorti, par qui il a été publié, à quel moment il a été publié. Exactement. Et quelle est son histoire. Exactement. Et ça, c'est un peu vraiment le métier d'une bibliothèque nationale. Et il faut rappeler que elle avait autant de droits que les autres de se lancer dans une grande entreprise de numérisation. Elle disposait des fonds. C'était une différence, mais aussi elle avait cette culture professionnelle de souhaiter aider les chercheurs à poser des questions aux sources. Alors, vous avez commencé par les journaux, par l'écrit. La particularité aujourd'hui de Gallica, c'est qu'elle s'est lancée. Moi, j'étais très surpris. Il y a à peu près 2 mois, j'ai vu apparaître pour la première fois des films sur Gallica, et je me suis dit, tiens, je pensais que l'Institut National de l'Audiovisuel avait une sorte, sinon de monopole, mais enfin, en tout cas, de place très privilégiée dans la numérisation et la popularisation du cinéma et des images animées. Mais non, Gallica a aussi ce rôle-là, selon vous, Arnaud Beaufort? Alors, le Gallica est tout aussi encyclopédique que peut l'être la BNF. Or, l'audiovisuel a une place fondamentale au sein de la Bibliothèque nationale de France. Depuis l'invention de la Phonothèque nationale, oui, dont vous conservez les fonds pour le son, tout à fait. Et en fait, la BNF reçoit le dépôt légal. Et le dépôt légal nous amène pas seulement les livres et la presse, mais bien sûr, toute l'image, dès lors qu'elle est sur support ou qu'elle est commercialisée. Et donc, nous avons tous les films que vous avez pu acheter dans votre enfance, comme aujourd'hui, nous recevons tout ce qui est édité. L'INA, c'est ce qui est diffusé sur les ondes, et le CNC, ce qui est diffusé dans les salles de cinéma. Donc, nous avons des fonds considérables audiovisuels, nos collections sont encyclopédiques, il était logique que Gallica ne rende compte de cela. Et vous faites référence aux 1000 vidéos que nous venons de lancer. Alors, on y trouve la préparation de l'émission Apostrophe par Bernard Pivot, un petit bijou. On y trouve aussi, à un moment ou à un autre, un entretien incroyable de Marguerite Duras avec Jeanne Moreau. On y trouve des choses qui sont tout à fait exceptionnelles et qui sont issues de quel fonds, d'ailleurs? Comment se fait-il que ces 1000 films ont atterri à la Bibliothèque nationale et donc sur le site Gallica désormais? C'est une multiplicité de fonds, tout cela? Alors, nous avons notamment nos propres collections et nous avons des partenariats. Les films que vous citez viennent du partenariat que nous avons avec Canopée, du ministère de l'Éducation nationale, et nous avons notamment toute la télévision scolaire, donc ces films qui étaient diffusés sous les préaux lorsqu'il pleuvait, qu'il y avait des professeurs absents, et donc on réunissait... Mais pas simplement sous les préaux, dans la salle de classe, sur le télévision noir et blanc, c'est absolument ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Ouais, absolument. Donc vous avez raison, il y a des petits bijoux, il y a des bijoux notamment de films de jeunes réalisateurs ou de réalisateurs qui vont devenir par la suite très connus, donc et j'insiste sur les conditions de diffusion de cela. C'est comme pour tout Gallica, c'est le monde entier, c'est pérenne et c'est gratuit. Donc vous avez là il n'y a pas de replay, vous voyez, on est sur une notion de bibliothèque entièrement ouverte, et vous avez notamment les conférences de la BNF. La BNF accueille je vois que les votes sont déjà en ligne, mais nous avons accueilli par le passé beaucoup de conférenciers d'ailleurs prestigieux. Oui, Mona Ozouf, j'ai vu récemment. Et les écouter pendant une heure et demie comme ça en ligne, potentiellement de partout, c'est une vraie richesse. Donc c'est une richesse aussi pour la francophonie puisque c'est accessible de partout. Evan Kilmaz, ça a changé la vie d'un chercheur comme vous que d'avoir pas simplement Gallica et la BNF, mais tout un tas de sites numériques de ce type-là, que ce soit la Library of Congress aux États-Unis ou d'autres, qui ont numérisé depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années et rendu accessible. Je vous donne un exemple tout petit. Quand j'ai commencé à faire mon DEA à l'École des hautes études en sciences sociales avec François Hartog, j'ai passé presque un an à localiser les sources, les articles, les livres, aller les photocopier pour pouvoir les lire, les utiliser. Après 10 ans, quand on a inventé le web, je me suis dit, mais je vais voir dans combien de jours je vais rassembler mon corpus. Ça a pris 2 heures. C'est vrai? Je vous jure. Et donc ça change considérablement le travail du chercheur. J'avais les articles devant moi, imprimés. Merci beaucoup, Levan Kilmaz. Un dernier mot, très bref, Arnaud Beaufort, sur ce que j'ai découvert. Gallica fête non seulement ses 20 ans, mais est désormais en marque blanche. Vous m'expliquez très brièvement ce que c'est que la marque blanche? La marque blanche, c'est la possibilité pour des institutions qui ont des fonds documentaires et qui souhaitent avoir une bibliothèque numérique de pouvoir utiliser, mutualiser quelque part leurs fonds, utiliser le logiciel qu'est Gallica. Donc nous offrons la possibilité que un sous-ensemble documentaire composé à la fois de leurs documents et d'un certain nombre des nôtres, eh bien, apparaissent sous la forme d'une autre bibliothèque Gallica, sous un autre URL, dans l'univers graphique qui est le leur, mais quand vous allez dessus, vous voyez bien que c'est Gallica qui est derrière. Donc c'est une vraie mutualisation de l'outillage. La dernière que nous venons d'ouvrir, c'est la bibliothèque diplomatique numérique

Un cercueil noir est tiré du fourgon. La voiture s'ébranle. Tandis que les aides jettent des seaux d'eau sur la machine, la voiture roule vers le cimetière des Gonards où le corps sera inhumé. Il est un geste de Weidmann qui demeure mystérieux. Au moment de quitter sa cellule, il a remis à Maître Jardin une longue enveloppe en lui disant « Je désire que ceci soit enfoui avec moi. » Est-ce son secret que Weidmann a confié à la tombe ? Voilà pour ce C'était à la Lune que vous pouvez réécouter sur le site de France Culture et également vous pouvez également aller sur le site Rétro News de la Bibliothèque Nationale de France. Le texte est lu par Elsa Dupuis et la réalisation a été signée Séverine Cassard. Merci donc à nos deux invités, à Arnaud Beaufort donc pour les 20 ans de Gallica, mais également à Lévan Yilmaz qui continue ses cours au Collège de France. Il y en a encore deux à venir autour de la question difficile: pourquoi écrit-on encore l'histoire aujourd'hui ? Et puisque vous évoquiez Gallica, tirons un coup de chapeau à celui qui l'a voulu, qui l'a défendu beaucoup. Il s'appelle Jean-Noël Jeannet et il se trouve sur notre antenne dès demain, évidemment, puisque l'histoire continue sur France Culture le week-end. Et dans Concordance des temps, il recevra Dominique Khalifa en direct du Salon du Livre de Paris, Livre Paris 2018, autour du thème « Arsène Lupin court toujours ». Et puisqu'il y a d'autres façons de parler d'histoire sur France Culture, sachez que l'émission métronomique d'Amaury Chardot, qui parle d'histoire par des archives, mais également par la musique, se tient tous les jours entre 14h et 15h le vendredi et qu'il traitera cet après-midi des Halles entre 1979 et 1985, les Halles de Paris, frime, fric et fashion. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Pierrick Monsigny était avec nous à la technique aujourd'hui et Renaud Dalmar à la réalisation. La semaine prochaine, nous vous parlons de frontières et nous recevons l'historien Léonard Dauphan lundi.